Chapitre 16. Bon voyage. Le lendemain, il faisait grand jour quand les jeunes filles s'éveillèrent. Elles virent des gâteaux de miel enterrés par piles. Rayon d'or avait trouvé et enfumé une ruche où le miel et la cire abondaient, et il était en train d'enduire les faces avec du miel d'abord et de la cire fondue ensuite. Il surveillait de l'œil le déjeuner. C'étaient trois lièvres qu'il avait tués et qui rôtissaient à la broche. Les jeunes filles le saluèrent. Il venait de terminer sa besogne et il se mit à seller les chevaux pendant que ses amis allaient au ruisseau. Il y en avait cinq. On déjeuna de bon appétit, puis on se mit en route. L'on marcha assez longtemps et l'on vit enfin au loin le village. Rayon d'or dit aux jeunes filles « Vous ne pouvez plus vous perdre, je vous laisse aller. »« Comment, vous ne venez pas ?»« Pour que l'on dise que c'est moi qui vous ai délivré. » Vous ne vous rappelez donc plus ce que nous avons dit hier. Et vous allez voir votre oncle, porter votre lettre, lui donner la nouvelle de votre délivrance, pour qu'il ne traite pas avec les directeurs qui seront bien attrapés. Et maintenant, au revoir. Mademoiselle de Pelouer tendit sa main au jeune homme et lui dit « Vous saurez, monsieur Rayon d'Or, que nous sommes toujours vos amis et que nous voulons que vous nous teniez pour tels. Quant à vous récompenser, j'en laisse le soin à mon oncle. » « Eh bien non, c'est vous, mademoiselle, qui me récompenserez vous-même. » Et il piqua des deux. Elles lui crièrent « Bon voyage !» Sur ce, elles se dirigèrent vers le village.